Le sophisme qui me perdit est celui de la plupart des hommes qui se plaignent de manquer de force quand il est déjà trop tard pour en user. La vertu ne nous coûte que par notre faute. Et si nous voulions être toujours sages, rarement aurions-nous besoin d'être vertueux. Mais des penchants, faciles à surmonter, nous entraînent sans résistance. Nous cédons à des tentations légères dont nous méprisons le danger. Insensiblement, nous tombons dans des situations périlleuses dont nous pouvions aisément nous garantir, mais dont nous ne pouvons plus nous tirer sans des efforts héroïques qui nous effraient, et nous tombons enfin dans l'abîme en disant à Dieu « Pourquoi m'as-tu fait si faible ?» Mais, malgré nous, il répond à nos consciences « Je t'ai fait trop faible pour sortir du gouffre, parce que je t'ai fait assez fort pour n'y pas tomber. » Je ne pris pas précisément la résolution de me faire catholique, mais, voyant le terme encore éloigné, je pris le temps de m'apprivoiser à cette idée, et, en attendant, je me figurais quelque événement imprévu qui me tirerait d'embarras. Je résolus, pour gagner du temps, de faire la plus belle défense qu'il me serait possible. Bientôt, ma vanité me dispensa de songer à ma résolution, et, dès que je m'aperçus que j'embarrassais quelquefois ceux qui voulaient m'instruire, il ne m'en fallut pas davantage pour chercher à les terrasser tout à fait. Je mis même à cette entreprise un zèle bien ridicule. Car, tandis qu'ils travaillaient sur moi, je voulus travailler sur eux. Je croyais bonnement qu'il ne fallait que les convaincre pour les engager à se faire protestants. Ils ne trouvèrent donc pas en moi tout à fait autant de facilité qu'ils en attendaient, ni du côté des Lumières, ni du côté de la volonté. Les protestants sont généralement mieux instruits que les catholiques. Cela doit être. La doctrine des uns exige la discussion, celle des autres, la soumission. Le catholique doit adopter la décision qu'on lui donne. Le protestant doit apprendre à se décider. On savait cela. Mais on n'attendait, ni de mon état, ni de mon âge, de grandes difficultés pour des gens exercés. D'ailleurs, je n'avais point fait encore ma première communion, ni reçu les instructions qui s'y rapportent. On le savait encore. Mais on ne savait pas qu'en revanche, j'avais été bien instruit chez M. Lambercier, et que de plus, j'avais par devers moi un petit magasin fort incommode à ces messieurs dans l'histoire de l'Église et de l'Empire, que j'avais apprise presque par cœur chez mon père, et depuis à peu près oubliée, mais qui me revint à mesure que la dispute s'échauffait.